La société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée rehausse la capacité de mesure urgente face aux catastrophes. En collaboration avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, elle renouvelle les plans d'alerte et améliore sans cesse le système et les méthodes de mesure urgente. Elle a organisé les groupes de sauveteurs dans les grandes agglomérations où il y a les dangers de fléaux et donne toutes sortes de cours et d'exercices pratiques pour que les membres, les volontaires et les experts de la prévention des sinistres apprennent le travail d'hygiène des eaux, des activités sanitaires et de sauvetage en temps des sinistres. Elle a renouvelé le système d'alerte qui était axé aux dégâts d'inondation par celui prévoyant divers dangers et incluant tous les secteurs. Elle fait paraître les livres de référence contre toutes sortes de fléaux pour rehausser le niveau technique des volontaires et des experts et les connaissances des habitants sur les sinistres.